À l'occasion de la journée de Sungun, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des idées du Juche ont lancé une déclaration conjointe qui dit entre autres « Par sa direction de Sungun, le respecté généralissime Kim Jong-il a renforcé l'armée populaire de Corée en puissante armée révolutionnaire invincible Paektusan, capable de vaincre tout ennemi aussi fort qu'il soit. » Sous sa direction de Sungun, la Corée est devenue possesseur du nucléaire et puissance militaire d'ordre mondial. En continuant sa direction de la révolution de Sungun, le maréchal Kim Jong-un a transformé la Corée socialiste en forteresse imprenable et en puissance nucléaire dont ont peur les impérialistes.